Chapitre 33e. Le concert russe réussit au-delà de toutes les espérances. Les journaux l'avaient prôné, les marchands l'avaient garanti, et les femmes de ces messieurs, qui ne sortent jamais de leur gynécée, avaient eu la permission de se servir des billets achetés par leurs maris, ce qui avait mis dans la ville une activité extraordinaire. Demian eut le plaisir, probablement unique, de se voir un auditoire féminin entièrement composé de doucha greika, en soie des couleurs les plus brillantes, surmontée de mouchoirs de tête, dont une pointe pendait dans le dos, tandis que les deux autres, pincées étroitement sous le menton, venaient se joindre sur la poitrine. Et il ne faudrait pas croire que toutes ces bonnes âmes, arrachées à l'obscurité des gynécées, ne surent pas apprécier le talent du jeune artiste. Plus d'une, en l'écoutant, se rappela l'époque où, jeune fille, elle entendait la nuit les rossignols se répondre dans le jardin de ses parents. Les aspirations de leur jeunesse leur revinrent à l'esprit, et si leurs yeux furent mouillés de larmes, ce n'était peut-être pas uniquement un effet nerveux produit par les frémissements de l'archet sur les cordes. Dans ces thèmes simples de chants populaires se cache une poésie mélancolique, appréciable par ceux-là seuls qui ont vécu de la vie contemplative des champs ou des vieilles demeures russes et qui l'ont aimé et senti dans sa beauté patriarcale. La petite Hélène, vêtue pour la circonstance d'une robe de percale blanche toute unie, avec ses cheveux divisés en deux nattes sur ses épaules modestement recouvertes d'un fichu de mousseline, fut l'objet d'une ovation. Elle avait l'air si simple, si enfantin, que toutes les mères de l'auditoire furent prises de pitié pour elle. Si jeune, et déjà gagnée sa vie, se disaient les bonnes âmes. Avant la fin du jour, elle vit sa chambre remplie de cadeaux de toute espèce. Les matrones, attendries par sa grâce et son air sérieux, lui envoyèrent les objets les plus divers. Des pièces d'étoffe, des bijoux à l'ancienne mode, une pièce de toile blanche et fine pour faire du linge, une caisse d'orange, une pelisse de fourrure, si bien qu'il fallut acheter une malle. « Oh, monsieur Markov, » dit-elle quand Demian vint lui dire bonjour, « c'est à vous que je dois tout cela, jamais je ne pourrai m'acquitter. » Avec un geste fort noble, l'artiste écarta l'idée de reconnaissance et se contenta de sourire. Décidément, cette petite fille était gentille. Il ne savait pas si elle était jolie. Pour cela, il eût fallu la regarder plus attentivement qu'il ne l'avait encore fait. Mais elle avait un sentiment des convenances qui rendait la vie en commun facile et même agréable. Madame Mianoff était peu gênante. Avec du thé, des cigarettes et des cartes, on en obtenait la paix infailliblement. Elle n'exigeait même pas qu'on jouât aux cartes avec elle. Dans sa somnolence tranquille, elle préférait les patiences, qui laissent à l'esprit le loisir de s'arrêter quand les combinaisons deviennent par trop émouvantes. On ne gagne pas communément des maladies de cœur à faire des patiences. Victor était enchanté. L'heureuse réussite de cette entreprise lui présageait pour l'avenir une série de concerts plus beaux les uns que les autres, d'où Demian sortirait illustre et riche. Ils avaient d'ailleurs résolu ensemble d'envoyer au père Kouzma un petit souvenir sous forme d'argent, et cette résolution leur donnait la joie paisible qui, quoi qu'on en ait dit, accompagne les pensées généreuses. Les deux frères sentaient vaguement que du moment où leur sœur tenait les cordons de la bourse, leur père ne devait pas rouler sur l'or. Aussi, M. Roussoff fut-il chargé dès le lendemain de remettre discrètement au prêtre la somme relativement considérable que ses fils lui faisaient parvenir. Le tout s'accomplit de façon à satisfaire tout le monde, car, sans en avoir parlé, chacun savait fort bien que ce don devait être remis et accepté en silence, sous peine de perdre immédiatement son effet. La lettre, qui emportait ainsi le souvenir des enfants de Kouzma vers la maison paternelle, se croisa avec une autre, écrite par M. Roussoff, et qui apportait de grandes nouvelles aux jeunes gens. Le médecin des eaux de Piatigorsk était mort subitement. Sa place avait été offerte à Valérien Moutine. Après quelques hésitations, le jeune médecin l'avait accepté. Sans doute, il était dur de s'expatrier ainsi pour plusieurs années, mais le traitement offert était considérable et les ressources éventuelles qu'apporte dans les villes d'eau la présence de riches malades pouvaient permettre au jeune couple de réaliser en peu de temps une aisance qui ressemblerait fort à la fortune. Ils avaient donc pris le parti de quitter M, et au moment où M. Roussoff écrivait, ils étaient déjà à moitié route. Demian lut cette lettre et resta rêveur. Superstitieux comme les trois quarts des gens, il voyait dans cette coïncidence de départ pour le Caucase une force mystérieuse qui le poussait aussi vers les hauts sommets du sud. Madame Moutine s'en va à Piatigorsk, dit-il à Victor quand celui-ci rentra de ses courses matinales. Les bras tombèrent au pauvre garçon. Il ne voyait guère l'ancienne idole de son adolescence, mais elle n'était pas trop loin, et lui semblait qu'il pourrait la voir s'il en avait bien envie. Mais au Caucase, dans un pays perdu, les larmes lui vinrent aux yeux. « Veux-tu que nous y allions l'y voir ?» fit Demian avec un demi-sourire. Son frère le regarda avec étonnement. Il avait bien oublié, depuis longtemps, la lettre de la princesse Rédine, et ne pouvait trouver aucune cause appréciable à cette idée de Caucase que l'artiste omettait pour la seconde fois. « Si loin ? » fit-il faiblement, comme s'il combattait en lui-même le désir d'aller rejoindre Groucha par-delà la mer Caspienne. « Pourquoi pas ? Elle y va bien, et d'autres aussi. Nous ne serons pas les premiers explorateurs d'un pays vierge, » fit Demian, les yeux baissés, en jouant avec l'enveloppe de la lettre. « Nous donnerons encore un concert à Saratov, un autre à Astrakhan, peut-être, si les pêcheurs d'Esturgeon aiment la musique. Et nous ferons à Piatigorsk une demi-saison. Je suis sûr qu'il y a un bon orchestre. Pense donc, c'est la résidence d'été du grand-duc, gouverneur général du Caucase. Il y a une mine d'or dans ce pays-là. » Victor fut fort étonné d'entendre parler son frère à ce point de vue pratique, lui qui, ordinairement, s'occupait si peu des choses matérielles. Mais ses étonnements n'étaient jamais de longue durée, grâce à sa philosophie inconsciente qui lui faisait accepter avec résignation tout fait accompli. « Alors, tu veux aller à Piatigorsk ?» Demian cessa de jouer avec l'enveloppe. Sa main, arrêtée sur le bord de la table, trembla légèrement, puis resta immobile. Il regardait en dedans de lui-même et décidait de sa vie. « On a dit que nous tenons parfois notre destin dans nos mains, et qu'à certaines heures, c'est à nous-mêmes qu'il appartient de choisir notre voie. » C'était vrai en ce moment pour le jeune artiste, et il le sentait, non pas confusément comme il arrive, mais très nettement. Il savait qu'en se rapprochant de la princesse, il rompait avec sa vie passée. Il avait compris que cette femme, quels que fussent ses sentiments réels, lui avait témoigné une attention peu ordinaire. Il se disait qu'elle l'avait peut-être oublié, mais il était sûr de ne pas lui être indifférent le jour où elle le reverrait. Fallait-il se lancer sur la pente d'une passion inconnue ou rester tranquillement dans l'ornière battue pour attendre que le hasard vînt l'en tirer ? Demian avait en lui autant du calculateur que du poète, et les deux routes lui paraissaient également dangereuses. La 20e année, le souvenir des yeux de la princesse, de sa voix magique, de tout son être enivrant et provoquant, hurle dessus, et d'une voix ferme, il dit « Je veux aller à Piatigorsk. »« C'est une excellente idée, » s'écria Victor. « Pour ma part, » il s'arrêta brusquement et d'un ton tout différent. « Qu'est-ce que nous allons faire de la petite Hélène ? » dit-il. « Si elle veut venir avec nous jusqu'à Saratov, j'en serai bien aise. C'est une ville de musiciens enragés. Il doit y avoir une bonne moisson à récolter par là, et ensuite elle sera libre de retourner chez elle. » « Ou de venir avec nous ?» suggéra timidement Victor. Il s'était attaché à la jeune fille, et l'idée de la quitter si tôt lui paraissait attristante. « Ou bien de venir avec nous ?» répondit Demian avec indifférence. « Elle accompagne très bien, et elle n'est pas gênante du tout. On dirait que nous sommes encore seuls. »« Mais nos chaussettes n'ont plus de trous, » fit remarquer Victor, « et c'est bien quelque chose. » « C'est elle qui les raccommode ?»« Tu ne supposes pas que ce soit sa maman ?» Les deux frères se mirent à rire, et ainsi fut tranchée la question du voyage à Piatigorsk.